C'était pour la première fois dans l'histoire du catch, les superstars à Paris. Ils reviendront, c'est promis. Georges Eddy et Jean-Philippe Lustig vous souhaitent une très belle soirée, mais surtout une très très bonne nouvelle année. À bientôt.